تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث في هذه الأحاديث الإسلام كله في هذه الأحاديث كل مسألة في دين الله عز وجل في هذه الأحاديث toute la religion elle est comprise dans ces 42 أحاديث que l'imam Nawawi رحمة الله عليه a regroupé وهو معروف من أئمة أهل السنة هو مؤلف الكتاب الكتاب رياض الصالحين tout le monde sait qu'il est l'auteur aussi رحمه الله du livre رياض الصالحين رياض الصالحين les jardins des vertueux qui comporte beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam or cet auteur qui est l'imam Nawawi rahmatullah alayhi a toujours essayé de regrouper l'essentiel de la religion fil ahadith en ramenant des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toute la religion se trouve toutes les questions religieuses en général se trouvent dans ces 42 hadiths de Arba'in Nawawiyya. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi il mentionnait au sujet de l'imam Nawawi en disant Allahu alam mais il a tellement été sincère lorsqu'il a fait Riyad Salihin la preuve de ça, de sa sincérité toujours on dit Allahu alam bien sûr c'est que fi kulli masajid fi kulli masajid ou bayt al-muslimin fi kulli buyut al-muslimin fi hadha al-kitab Riyad Salihin tu ne trouves pas une mosquée dans le monde où il n'y a pas Riyad Salihin qui est dans la mosquée ou bien dans la maison des musulmans la majorité d'entre nous s'ils sont rentrés dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala l'un des premiers livres qu'ils ont eu après le Coran c'est Riyad Salihin Al-Arba'in al-Nawawiyya les 40 hadiths de l'imam Nawawi qui sont faits de 42 mais il y a un hadith sur lequel reposent tous les autres hadiths وبدأ الإمام النووي بهذا الحديث حديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو مرأة ينكحها فهجراته إلى ما هاجر إليه روى البخاري ومسلم وهو صحيح متفق عليه le prophète a dit selon Abu Hafs Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه il dit j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire chaque acte nouveau que par son intention chacun sera rétribué selon l'intention qu'il a mis chacun aura sa récompense la récompense selon il sera rétribué selon l'intention qu'il a mis dans son acte celui qui émigre pour Allah et son messager aura son émigration comptée pour Allah et le messager alayhi salatu wassalam celui qui émigre pour acquérir une chose de cette vie d'ici-bas de cette dunya ça peut être par exemple tijara, commerce, un exemple parmi tant d'autres, ou bien il émigre pour se marier avec une femme, il aura la récompense de, il sera rétribué selon l'intention qu'il a mis. Lakin awwalan, man huwa Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. ومن خلفاء الراشدين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين المهديين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراشدين فقط أو المهديين فقط قال الراشدين والمهديين لكن فرق بينهما Le prophète sallam a mentionné au sujet des quatre califes bien guidés et parmi eux Abu Hafs Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Soyez sur ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. Ar-Rashidin al-Mahdiyin. Mais il leur a donné deux qualificatifs. Ar-Rashidin, Ar-Rushd, les bien guidés. Wal-Mahdiyin, Al-Huda, ce sont les bien guidés aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Ar-Rashidin seulement. Si ces deux attributs, Ar-Rashidin ou Al-Mahdiyin, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les deux, c'est que les deux n'ont pas le même sens, malgré qu'ils aient une nuance de guider. Ar-Rashidin, Ar-Rushd, yani Al-Huda, fil amal salih. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء في العلم والعمل العمل الصالح الراشدين المهديين الراشدين الهدى في العمل الصالح le fait qu'Allah que le prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné et comme nous savons Allah guide qui il veut vers la science et vers les bonnes actions le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné الراشدين les bien guidés il s'agit des bien guidés dans les bonnes actions Allah tabaraka wa ta'ala les a guidés dans il a l'amal ou salih, vers les bonnes actions. Comme il les a guidés, al-mahdiyin fil ilm, hum ulama, sont des savants. Allah les a guidés dans la science. Al-ilm ou al-amal? Al-ilm ou bidouni l'amal? La. Al-amal ou bidouni l'ilm? La. Al-ilm ou al-amal? Wa thamaratu l'ilm, al-amal ou salih. Il te faut la science et les bonnes actions qui découlent de cette science. Si tu as appris, normalement il va y avoir quoi ? L'amal. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Ceux qui ont cru et qui ont pratiqué, qui ont fait de bonnes actions. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris. Ils ont cru. Pour avoir cru, ils ont appris d'abord, afin de ne pas croire n'importe quoi. Or ici, il a dit al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, الخلفاء الراشدين المهديين ça signifie que les califs bien guidés ont été guidés par Allah tabaraka wa ta'ala aussi bien dans la science que dans les bonnes actions وهذا السبب سبب اجتناب فتنة الشهوات والشبهات celui qui a la science il ne tombe pas dans quoi dans une fitna فتنة الشبهات شبهات في دين الله عز وجل الشركيات البدع Le fait d'avoir la science te permet de ne pas tomber dans ce qu'on appelle al-shahawat, tout ce qui est de suivre, shubuhat, tout ce qui est de tomber dans les choses ambiguës, les doutes, tout ce qui est shirk, al-bidah, les innovations. Wal-rashidin fil amal salih, ijtinab fitnati al-shahawat. Et le fait qu'Allah les a guidés dans les bonnes actions, cela a fait qu'ils ne sont pas tombés dans une fitna que l'on appelle. فتنة الشهوات شهوات يعني للباسيون الزنا وشرب الخمر والكبائر بدون الشرك le fait de faire la fornication de boire de l'alcool de mentir de faire namima والغيبة والربا tous ces grands péchés que l'on connaît en dehors du shirk يعني الهدى كامل ils ont hérité d'une guidée parfaite complète aussi bien fil ilm que l'amal wa minhum Abu Hafs Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu Emir al-Mu'minin les savants sont d'accord pour dire qu'il est le premier que l'on a appelé Emir al-Mu'minin le chef des croyants le prince des croyants Abu Hafs kunyatuhu wal kunya ma'ruf inda al-salaf min adati al-salaf radiallahu anhum kunyatu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Abu al-Qasim mais personne n'a le droit de prendre cette kunya il l'a interdit alayhi salatu wa salam kunyatu Aisha radiallahu anha Abdillah Mais est-ce que Aïcha a eu un enfant qui s'appelle Abdullah? Al-Jawab? Là. Cela prouve que l'on peut prendre une kunya même si on n'a pas d'enfant. Tu peux t'appeler Abu Abdillah, Abu Omar, Abu Hafsa, ce que tu veux, même si tu n'as pas d'enfant qui porte ce nom. Comme tu peux t'appeler aussi Ibn Fulen, Ibn Abdillah, Ibn Omar, Ibn Rabi'a, Ibn Khadija. Tu peux t'appeler aussi fils d'un tel. Hadil Kunya. Cela faisait partie des traditions des pieux prédécesseurs. Et il est permis aux musulmans d'avoir ce genre de kunya. Islamuhu wa fadluhu. Qala sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Allahumma izal islam bi ahab hadhi radulain ilayk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une dua, une invocation. Il a dit à Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma izal islam. Mon Seigneur renforce l'islam par le plus aimé d'entre ces deux hommes auprès de toi. Bi Abi Jahl ou Omar ibn al-Khattab. Wa kana habbuhuma ilayh, yani ila Allah azza wa jal, Omar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, ce fut Omar. Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Et lorsqu'il est rentré dans l'islam, ça a fait un choc à Quraysh. C'était un point fort pour eux. C'est un grand allié parmi eux. وَإِذَا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ. Mais lorsqu'il est rentré dans l'islam et s'est converti, comme les savants mentionnent vers la cinquième année de la prophétie, ça leur a fait un choc et cela a réconforté les musulmans. C'est ce que disait Abdullah ibn Mas'ud. Lorsqu'il est rentré dans l'islam, nous nous sentions plus forts. La veille de sa hijra, min Mekka ila al-Medina, la veille de sa hijra, lorsqu'il allait partir de Mecca à la Médine, il s'est mis devant le Kaaba. Il leur a dit quoi? Celui qui veut que ses enfants deviennent orphelins, demain je pars à tel moment, qu'il vienne m'empêcher de partir. Et celui qui veut que sa femme devienne veuve, qu'il vienne demain à tel moment où je pars et qu'il m'empêche de partir. Wa Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qawi bi imanihi wa badanihi. Il était fort, non seulement par la foi, mais même par le corps. Wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min al-mu'minin wal qawi bil badan wal iman. Et le croyant fort par le corps et par la foi est le plus aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Fadl Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب. شوف le prophète صلى الله عليه وسلم a dit في الصحيح s'il y avait un prophète après moi, tout le monde sait qu'il n'y a pas de prophète après le prophète صلى الله عليه وسلم, ce serait qui? Omar. Ça c'est une tezkiya, c'est une éloge du prophète صلى الله عليه وسلم envers son compagnon عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم أيضا والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, lorsque le diable te rencontre, ya Omar, s'il te rencontre sur un chemin, il change de chemin. Limada. Qala ahlul ilm, man khasha'a qalbahu lam yaqrabuhu shaytan. Al-iman, al-aqidatu sahiha, min kitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alayhi wa sallam, bifahmi salaf al-umma, radiyallahu anhum. Pourquoi le shaytan n'approche pas Omar? Parce que c'est Omar? Là. À cause de sa foi. Tellement la foi est grande de Omar ibn al-Khattab, l'approche pas. D'où cette parole des savants qui dit, celui qui remplit son cœur d'humilité envers Allah, tabaraka wa ta'ala, wa taqwa Allah, subhanahu wa ta'ala, le shaitan ne l'approche pas. من سبب اجتناب الشيطان ذكر الله عز وجل كلام الله تبارك وتعالى القرآن parmi les choses on le sait très bien qui font que le diable ne t'approche pas le fait de lire le Coran on sait que lorsque Sourate al-Baqara allait lui dans une maison le shaitan ne rentre pas durant 3 jours ou plus selon certaines versions du hadith dans la maison même yaqrab n'approche pas wa idha zakurullah azza wa jal ibn Abbas radhiyallahu anhu qui disait lorsque tu radhiyallahu anhuma lorsque tu te rappelles d'Allah le diable est accroché sur ton cœur lorsque tu te rappelles d'Allah tabarak wa ta'ala al-dhikr سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله الذكر الشيطان البحر كذلك في الأذان كما il a apporté في صحيح البخاري lorsqu'il y a l'adhan qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que fait le diable il part en lâchant des gaz يمشي ne supporte pas ذكر الله عز وجل وكذلك مع الإنسان مع الشيطان من الإنس. Il en est de même avec les hommes. Lorsque un fâche, quelqu'un qui commet le kabira, des grands péchés, lorsque tu es assis avec lui et tu lui dis قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا قال بعض السلف الأمة رضي الله عنهم كذا وكذا وكذا et tu ne suis pas dans son péché ou dans ses envies. Il ne peut pas rester avec toi. Il n'arrive pas à rester avec toi. كذلك أهل البدع. Il en est de même avec des innovateurs. إذا تتكلم بالدليل قال الله قال الرسول كذا وكذا وكذا هذه الحجة وهذا لا يجوز هذا من البدع لا يجلس معك لا يجلس معك s'assoit pas avec toi. Il ne peut pas s'asseoir avec toi. Il ne supporte pas. ذكر الله عز وجل le zikr, le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala se met à l'abri aussi bien des mauvaises choses que des mauvaises personnes. طيب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يكن فيكم يعني عند الصحابة محدثون فعمر يعني قال شعر رحمه الله في إشارة الحديث إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمر. Le prophète a dit aussi sur les éloges d'Omar ibn Khattab, s'il y avait quelqu'un parmi vous qui serait inspiré sur ce qui est correct, sur ce qui est bon, ce serait Omar. Wa qawlu fi al-hadith Omar ibn Khattab siraj ahli al-jannah, hadith mawdu' 'inda Sheikh al-Albani rahimahullah. Quant au hadith que l'on trouve dans certains livres qui dit et non pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mais qui dit et qui est rapporté qu'il aurait dit que Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu est la lumière des gens du paradis c'est un hadith qui est inventé comme l'a mentionné Imam al-Muhaddithin Sheikh al-Albani rahmatullah alayhi fi da'if al-jami'a. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من المتقين من الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عالما وعالم في زمانه c'était un savant parmi les plus grands compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم lorsque حذيفة بن اليمن رضي الله عنه la particularité l'une des particularités de حذيفة بن اليمن صاحب السير comme on l'a appelé, عند الصحابة, l'ami du secret. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a enseigné les noms des hypocrites. Ça veut dire, حذيفة ibn اليمن, يمشي في المدينة, il marche comme ça à Médine, il sait qui est munafiq ou pas. شوف النعمة. T'as les gens en face de toi, tu sais qui est qui. Il vient devant toi, salam alaikum, hayakum Allah, kayf halikum, kaza kaza, wa ta'arif annahu munafiq. Jusqu'à ce que lorsqu'il ne priait pas, حذيفة بن اليمن, sur un mort, sahaba ne priait pas sur ce mort. Parce qu'il savait que حذيفة بن اليمن connaissait les noms des hypocrites. Alors il se disait, ça se trouve, c'est un munafiq, alors nous aussi on ne va pas prier sur lui parce que Hudhayfa ibn al-Yamani n'a pas prié sur lui. Mais ça arrive aux oreilles de qui? Abu Hab, Omar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Il est parti le voir tout de suite. Sauf taqwa Allah azza wa jalla fi qalbihi, khaf min Allah azza wa jalla. Là, il a eu peur d'Allah, il s'est dit ça se trouve je suis dedans. Sauf ma'ana al-nifaq. N'importe qui d'entre nous, si on dit un munafiq, je dis je suis pas un munafiq moi. Tu crois Omar ibn al-Khattab s'est dit non, je ne peux pas partir, subhanallah. Ana Omar. Khafa min Allah azza wa jalla. Il est parti voir directement Hudhayfa ibn al-Yaman. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Hal ana minhum. Dis-moi tout de suite si je fais partie d'eux ou pas. Hudhayfa qala, walhamdulillah, qala la, anta lasta minhum. Il a dit non, je ne fais pas partie d'eux. Mais tu es le dernier à qui je fais cette tazkiya. C'est-à-dire, je ne répondrai plus à cette question, plus jamais. Sinon, tout le Médina va venir voir Hudhayfa ibn al-Yaman. Tout le monde va faire la queue. Moi, je suis parti d'eux, non. Moi, je suis parti d'eux, non. Et ce ne serait plus un secret. Ce ne serait plus un secret. Et on connaît le danger d'un munafiq, comme Allah tabaraka wa ta'ala, puisqu'il y a même une surah qui est spécialement sur eux, ainsi que fil Baqara, où les cinq premiers versets de Baqara mentionnent Sifat al-Mu'minin, puis les deux suivants Sifat al-Kafirin, puis les 13 suivants Sifat al-Munafiqin. Kunyatuhu Abu Hafs, le lionceau. Hafs, c'est un lionceau. On sait un lion comment il est. Celui que les gens. Le roi des animaux. Pourquoi? Parce qu'il ne fait rien. C'est qui va chasser? C'est la lionne. Lui, il est comme ça. Qu'il le mange? Personne. Les hyènes, elles le mangent que lorsqu'il est mort. Celui qu'on appelle le roi des animaux, pourquoi? Parce qu'il est comme ça. Il est allongé. Il attend qu'on lui ramène le ta'am. De temps en temps, bouge un petit peu, voilà. Mais lorsqu'il faut bouger et il faut défendre son clan, il est là. Ça rejoint la parole de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu lorsqu'il disait: j'aime lorsque l'homme est chez lui, c'est un enfant. Mais lorsqu'il est dehors, annahu rajul, c'est un homme. Fi hadha az-zaman al-'asr. L'homme aujourd'hui joue l'âme chez lui, avec dureté. Et lorsqu'il est dehors, il rigole tout le temps. Et lorsqu'il est chez lui, il est dur avec les membres de sa famille. Hada laysa min as-sunna. Ittiba' al-hawa. Qala sallallahu alayhi wa sallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Wa ashadduhum fi amri Allah ta'ala, fi amri Allah, Umar. ولهذا هذه الكنية أبو حفص لا ريغير نعم لا ريغير لعمر بن الخطاب البروفيسور صلى الله عليه وسلم في الصحيح هذا الشيخ الألباني رحمه الله عليه le plus miséricordieux de ma communauté pour ma communauté c'est Abu Bakr et le plus dur dans les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Mais certains ils croient que Omar ibn al-Khattab il n'est que dur. Il est connu de la description du visage de Omar ibn al-Khattab qu'il avait comme deux crevasses pratiquement, tellement il a pleuré, ça a creusé sa peau. Et il avait deux traits noirs gravés sur les joues, tellement il pleurait. Radiallahu ta'ala anhu. C'était quelqu'un de modeste. Qala al-Hassan خطب عمر رضي الله عنه الناس وهو خليفة. Il disait que Omar ibn al-Khattab faisait la khutba, le discours aux gens. Et il était calife à cette époque. وقال وعليه إزار فيه 12 ركعة. Il avait un إزار. Au-dessus, il y avait combien de pièces de raccommodation? Parce qu'il y a eu des trous, alors il a raccommodé 12. 12 pièces de raccommodage sur son izar. وَهُوَ إِمِرْ مُؤْمِنِينَ وَمِنْ خُلَفَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ التَّوَادُعَ. Ça, c'est La preuve de la modestie de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. An Emir al-Mu'minin Abi Hafs Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul سمعت دليل على أنه أخذه يعني الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة بلا واسطة سمعت العلماء الحديث les savants du hadith disent que lorsqu'il y a un compagnon qui dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصح من الصحيح dans le sahih c'est le plus haut degré parce qu'il l'a entendu directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire. Et un hadith aussi important que celui-là, comme on va le décrire selon min aqwal al-salaf, il n'y a que lui qui l'a entendu. On n'a pas une riwaya inda ahl al-hadith parmi les gens du hadith qui ramène autre que ou arrive au niveau de sahaba Omar ibn Khattab رضي الله عنه ما أخذ الحديث إلا عمر مع أهميته il n'y a pas en dehors de عمر quelqu'un qui a ramené ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم avec l'importance qu'a ce hadith et cette parole du prophète عليه الصلاة والسلام قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله هو من السلف من أراد أن يصنف كتبا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات il disait Abdurrahman ibn Mahdi celui qui veut écrire un livre des livres qu'il commence par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a commencé son œuvre par ce hadith hein Al-Bukhari Sahih Al-Bukhari il commence par quoi الأعمال بالنيات هذا هو الأساس أصل كل شيء الإخلاص النية parce que c'est la base de tout tu peux appliquer ce que tu veux du Coran et de la Sunna du Prophète sallam quelle que soit la mas'ala quel que soit le thème tout va dépendre de النية de l'intention قال الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث ثلث العلم الإمام الشافعي dit ce hadith c'est un tiers de la science un tiers de la science وقال الإمام أحمد رحمه الله أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث ومنهم الأعمال بالنيات الإمام أحمد رحمه الله dit l'islam repose sur trois أحاديث et parmi eux إنما الأعمال بالنيات chacun ne vaut que par son intention. Et lorsqu'on voit l'importance de ce hadith, il n'a été rapporté que parmi les sahaba que par Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Farq baynahuma wa ikhtalaf al-ulama. Des savants ils disent que ces deux paroles elles ont le même sens. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Chacun ne vaut pas son intention et l'autre parole, chacun sera rétribué selon son intention. Certains savants disent que c'est la même chose. والراجح والله أعلم c'est que ce n'est pas la même chose. إنما الأعمال بالنيات. Lorsque le prophète mentionne chacun ne vaut que par son intention, on a le sens appuyé sur العمل. Qui est appuyé sur quoi ? Sur l'acte. Chaque acte ne vaut que par son intention. Ici, il nous est donné la valeur de l'acte. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Là, cela est appuyé sur an-niyya. Chacun sera rétribué selon son intention. Le premier, c'est l'amal. Wa thani an-niyya. Wa l'a'mal al-qalbiyya wa al-qawliyya wa bil-jawarih. والنية سبب وجود العمل les actions on a les actions par le cœur, le khawf, le khashiyah, le tawakkul, le mahabba, et l'akhiri. Les actions du cœur, ce qu'on appelle les actions du cœur, c'est la peur, la confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, l'espérance, la crainte, l'amal fil qalb. Wal qawliya, al aqwam. Ce que tu dis, ce qu'on appelle al a'mal al qawliya, ce sont des actions de par la parole, bil lisan, par la langue. Et comme il dit Cheikh Al-Othaymeen rahimahullah, je ne connais pas un membre dans le corps qui marche plus que la langue, qui fonctionne plus que la langue. Si ce n'est peut-être les yeux et les oreilles. Ce que tu te sers de plus dans la journée, c'est l'hissen. Quand tu marches, tu parles. Quand tu es assis, tu parles. Quand tu es allongé, tu parles. Jusqu'à même, il y en a lorsqu'il dort, il parle. Hada huwa. Wabil jawarih. L'amal bil jawarih, c'est tout simplement ce que tu fais par tes gestes, par tes mains ou tes pieds. Et une chose importante, an-niyya sabab wujud al-amal. Qu'est-ce qui va faire que l'action existe? Quelle est la cause qui fait qu'une action existe? An-niyya. C'est l'intention. Tu as eu l'intention de faire ça, tu l'as fait. Mais ce n'est pas parce que tu as une intention que tu vas forcément faire aussi. Tu ne feras que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a prescrit. والأعمال الصالحة والفاسدة والمقبولة والمردودة كل هذا إلا بالنية. L'intention va aussi faire et ramener comme déduction et comme conséquence الأعمال الصالحة, que ton action sera bonne, والفاسدة, que ton action sera mauvaise, والمقبولة والمردودة, que ton action sera donc ensuite ou bien acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien marduda, rejeté. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa ar-rab, yani mardud عند الله تبارك وتعالى, fi sahih muslim. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait une chose qui n'est pas conforme à nos enseignements, il sera rejeté, yani rejeté par Allah tabaraka wa ta'ala. Wa 'inda al-thalath an-niyyah, beaucoup ne comprennent pas cette notion d'intention. Certains ne comprennent pas c'est quoi l'intention. Est-ce que je dois dire quelque chose? C'est le qalb. Est-ce que je dois dire par exemple يعني في نفسه في قلبه, il se dit, là je vais dire au doigt pour qu'on comprenne, mais il se dit je vais à la mosquée fi sabilillah. Bismillah, je vais à la mosquée. Bismillah, je fais le wudu. Bismillah kaza. Bismillah, bismillah. هل يقول في قلبه؟ هل يقول بلسانه؟ النية عند الثلاثة الإرادة. Chez Salaf, chez les pieux prédécesseurs, ça veut dire quoi? Niyya, l'intention, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux faire, ou dire, ou croire. Liqawlillahi tabaraka wa ta'ala, minkum man yuridu d-dun, wa minkum man yuridu l-akhir. Comme Allah Azza wa Jalla dit, il y en a parmi vous qui veulent cette vie d'ici-bas. Ils ont mis toute leur intention pour acquérir les biens de ce bas monde. Et il y en a parmi vous qui veulent l'akhira, qui veulent l'au-delà. Biniyatihim. C'est ça leur intention. Ton intention, c'est ça, akhi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux parler, mais qu'est-ce que tu veux par ta parole? Tu veux faire? Qu'est-ce que tu cherches en voulant faire cette chose-là? C'est quoi ton but? L'irada, quelle est ta volonté? والعمل يكون لله وحده لا شريك له أو لله وغير الله أو لله أو لغير الله عز وجل فقط. التوحيد والشرك والشرك. L'unicité d'Allah, c'est quand tu le fais que pour Allah. Personne d'autre ni rien d'autre. Tu rentres dans le shirk, dans le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah ne pardonne pas ce péché, contrairement aux autres péchés où tu es sous la volonté d'Allah. S'il veut te pardonne, s'il veut te pardonne pas. Faut pas comprendre que ça y est, je fais pas cher qu'Allah va me pardonner. Là, tu es sous la volonté d'Allah. tu fais des grands péchés, il se peut qu'Allah il pardonne, comme il se peut qu'Allah il pardonne pas. C'est pas parce que ça y est, tu fais pas shirk, et déjà pour se donner cette test qu'il y a là de ne pas faire shirk, ça ne se donne pas. Personne n'est à l'abri du shirk. Comme on va voir comment, après, Inch'Allah, comme l'a expliqué Cheikh Al-Athaymin, comment ça va très loin. Sans que tu t'en rendes compte. Il faut pas croire qu'on est arrivé à un bon niveau. Hassan al-Basri, radiallahu anhu, min al-tabi'in, il a côtoyé parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait aux tabi'in qui étaient avec lui, j'ai connu des gens, j'ai côtoyé des gens parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'ils voient le plus pieux d'entre nous aujourd'hui, ça c'est min al-tabi'in, hein. S'ils voient le plus pieux d'entre nous aujourd'hui, ils vont dire, wa jahil al-sunnah, al-sunnati al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont dire, celui-là c'est un ignorant dans la sunnah. Et s'ils vont voir le pire d'entre nous, yani celui qui est encore plus dans le marsiyah, ils vont dire quoi ? Hada rajul la yu'minu bil yawm al-akhir, bil yawm al-hisab. Cet homme-là ne croit pas au jour de la rétribution. عند التابعين كيف في زماننا. Un autre min al-tabi'in disait, j'ai côtoyé parmi 40 compagnons du prophète sallam. Et je vous assure que s'ils nous voient aujourd'hui, s'ils vous y viennent et ils vous voient aujourd'hui, ces compagnons que j'ai côtoyés, ils ne reconnaîtront de vous que l'adhan. Dans une autre version que as-salah. Subhanallah. An-niyya tamyiz al-adat min al-ibadat. L'intention permet de faire la différence entre ce qui est les habitudes et les adorations. Mathalan, ar-rajul ya'kulu at-ta'am shahwatan faqat. Un homme mange parce qu'il a faim. Al-ju'a. Salam alaykoum. Il a faim, il mange. Khalas. Il n'y a pas de niya. Il mange, j'ai faim, je mange. Ar-rajul ath-thani ya'kulu at-ta'am imtithalan li amrillahi tabaraka wa ta'ala fi qawlihi wa kulu washrabu. Le deuxième homme, il mange, mais pour être conforme à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, buvez et mangez. Imtithalan li amrillahi azza wa jal. Pour être conforme au Coran. La différence entre les deux, c'est l'akal. Juste dans le fait de manger. Il y en a un qui mange pour être conforme à ce qu'Allah il a dit en Coran, manger et buvez. Ce qui est bon. Et l'autre, il mange parce qu'il a faim sans plus. L'awwal, l'adat, ce sont les habitudes pour le premier. Pour le deuxième, c'est quoi ? L'akal, le fait de manger ici, c'est quoi pour lui ? عبادة نيته لله تبارك وتعالى على الكتاب والسنة. Le premier, ce n'est qu'une tradition, une habitude pour lui. C'est pas une عبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Quant au deuxième, il mange pour être conforme à ce qu'Allah تبارك وتعالى a ordonné dans le livre, dans son livre, en disant buvez et mangez. Buvez et mangez ce qui est bon. Est-ce que ça veut dire que tu vas manger? Là, tu manges jusqu'à être rassasié. Et comme il disait Abu Bakr al-Saddiq, ma'na al-kalam, la na'koulou illa bil-jour. Nous ne mangeons que lorsque nous avons faim. ولهذا قال أهل العلم عبادة أهل الغفلة عادات. C'est pour ça que les gens de science ont dit les adorations des gens de la distraction, yani qui font des choses que par habitude, leurs adorations à eux, elles sont devenues quoi ? Des habitudes. Celui qui applique avec l'ilm n'est pas comme celui qui applique sans ilm. Celui qui applique sa salat, qui fait sa prière, min takbirat al-ihram hatta al-taslim, bil-ilm, ce n'est pas comme celui avec la science, celui qui applique sa prière du début jusqu'à la fin avec science. Il a appris comment on fait la prière, il a lu des livres, il a été ulama, comment ils ont expliqué, comment on fait le salat, n'est pas comme celui qui l'a fait juste en imitant des gens. Et il ne fait ça que par habitude, par tradition. الفرق بينهما بين السماوات والأرض. Celui qui sait n'est pas semblable à celui qui ne sait pas. وعادات أهل اليقظة عبادات. Et les traditions, les habitudes des gens qui ont l'éveil d'esprit, yani qui ont l'ilm, sont quoi pour eux? Des adorations. Ils ont tellement l'habitude de faire des choses avec la science et de le faire pour Allah tabaraka wa ta'ala, lillahi azza wa jal, wa bil'ilm, avec science, que n'importe quelle chose qu'ils font pour un autre, c'est une habitude, pour eux, c'est une adoration. Comme le fait que l'exemple que l'on a donné, le fait de manger et de boire. Su'al, an-nawm, ibada ou la? Le fait de dormir, est-ce que c'est une ibada? Jawad. C'est quoi le nier? Tayyib, ici il dort comme ça? L'adab, c'est une habitude. Celui qui met l'intention, comme il mentionne Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, fil fatawa, celui qui met l'intention avant de dormir, de prendre des forces, qu'il veut dormir pour prendre des forces, pour pouvoir bien faire sa ibadah, que ce soit Qiyam al-Layl ou d'autres ibadahs, هذا النوم عبادة. شوف النعمة من الله تبارك وتعالى. Hein? Celui qui dort et qui met l'intention avant de dormir que c'est pour être mieux et avoir plus de force le lendemain pour pouvoir mieux faire son adoration auprès d'Allah, son sommeil il est compté comme une adoration. Subhanallah, tu fais rien, ta'abudullah. Ni'ma min Allah tabaraka wa ta'ala. C'est là que tu vois que tu peux compter tous les bienfaits qu'Allah t'a donné, tu ne pourras pas les compter parce que tu ne les vois pas tous et tu ne les connais pas tous. Quant à celui qui dort comme ça, est-ce qu'il va prendre un péché pour autant? Non. Il dort bil hadath, par habitude. Il est fatigué, il a besoin de dormir. Wa at-tamyiz al-ibadat ba'daha min ba'd. L'intention va aussi permettre de différencier les adorations entre elles. Tu ne mets pas la même intention lorsque tu fais as-siyam que lorsque tu fais salah. Que tu as fait ta prière. Ce sont deux intentions différentes. Lorsque tu veux faire la prière, tu mets l'intention pour faire la prière. Lorsque tu peux jeûner, tu mets l'intention pour faire le jeûne. Deux choses différentes. Mais même dans l'ibada en elle-même, l'intention, premièrement, va te permettre de différencier entre bayna siyam wa salat, mathalam. Wa fi salat, bayna al-nafila wa al-farida. Dans la prière elle-même, l'intention va permettre de différencier entre une prière obligatoire d'une prière qui n'est pas obligatoire. Tout cela ne dépend que de quoi? Nir. De l'intention que tu y mets. Wa kayfa an-niyya? Comment est-ce qu'on met une intention? Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi, ceux qui le veulent, ils le lisent, ils le trouveront dans Char Arba'in Nawawi de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Il ramène qu'un homme, une fois, il lui a ramené un exemple. C'était quelqu'un qui était fil masjid al-haram. Et subhanallah, il a mis son intention. C'était une prière obligatoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Avant de tikbir al-ihram, il a dit quoi? Il a dit Bismillah, salat al-duhur, bi arba'ati arqa'at, khaf imam masjid al-haram. L'homme qui était à côté, je vais traduire inshallah, il a dit, avant de faire sa prière, il a dit, au nom d'Allah, je vais faire salat al-duhur, qui est de 4 arqa'at, de 4 unités, et je prie derrière l'imam de Masjid al-Haram, l'imam de la mosquée de la Mecque. Il y avait quelqu'un à côté de lui. Un vieux, il est à côté de lui, il lui dit, attends, t'as oublié de mentionner le mois et la semaine et l'heure. Il a été étonné par ça. Il dit, c'est quoi ça, subhanallah? وهذه بدعة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة النية وما قال الصحابي. Il n'y a pas un compagnon qui a fait cette chose-là. Il n'y a pas un hadith du prophète Hassan qui nous ramène qu'il a fait cette chose-là. Al-niyya fil qalb. Maza turid. Faqat. C'est quoi l'intention? C'est ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Ou de faire quoi que ce soit. Tu veux faire salat al-dhuhr? Rah. Va et va faire salat al-dhuhr. Et c'est là que Shaitan il rentre à chaque fois. T'es sûr que t'as voulu faire ça? Mais t'as bien mis une niya, kada, kada, kada. Hatta, t'as tourné le salah. Jusqu'à ce que tu délaisses la prière. Il te ramène le waswas. Fais le wodo. Marouf, indemnes. Le waswas, fais le wodo. C'est connu ça, tous les waswas que les gens ils ont dans les ablutions. Ah, j'ai pas dit bismillah, je recommence. Et il recommence. Tu dis bismillah? Non, j'ai pas dit bismillah. Je l'ai pas bien dit bismillah. Et il recommence. Marita, c'est une maladie. Le ulama, pour ceux qui ont ça, faut pas vous inquiéter, le ulama, ils ont dit, tu continues, tu fais ce que tu as à faire. Tu tiens même pas compte de ça. Pourquoi? Parce que c'est une maladie que tu as. Maridatun nef, c'est une maladie de la nef, c'est le shaitan, il te waswas, jusqu'à ce que tu fasses plus le wodo, jusqu'à ce que tu fasses plus la salat. Kazalik fi salat, c'est pareil dans la prière. J'ai perdu le wodo, je sors ou je sors pas, vite, il va se mettre en roko à l'imam. Je sors ou je sors pas, qu'est-ce que je fais? Tu n'as rien entendu. Tu n'as rien senti, tu ne sors pas. Même si tu sens des petites choses sur toi. Shaitan, il joue avec toi pendant la salat. Tu ne sors pas. Jusqu'à ce que tu puisses jurer par Allah que tu aurais perdu les ablutions. Parce qu'à la base, tu les as, tes ablutions. À la base, tu as tes ablutions. Tu as fait tes ablutions, ça y est. Là, tu es certain d'avoir tes ablutions. Tu viens de les finir. Ne peut annuler qu'une certitude. Et non pas un doute. Fahimtum? Ne peut annuler une certitude al-yaqin illa bil-yaqin. La certitude n'est annulée que par la certitude. Ça veut dire que tu es certain d'avoir les ablutions, ça y est, tu viens de les finir. Pour dire que tu les as perdues, il faudra que tu sois certain. Et pour être certain, et ça ne se fait pas, mais c'est pour donner une notion, est-ce que tu peux jurer par Allah que tu as perdu les ablutions? Et on connaît la valeur de jurer par Allah. Et on sait qu'on ne doit pas multiplier le fait de jurer par Allah. Hatta qala Cheikh al-Fawzan naqsu fi at-tawhid. Le fait de jurer par Allah, c'est quelque chose de très sacré. Quelqu'un qui dit Allah, Allah, Allah, Allah tout le temps, pour lui, ça n'a plus de valeur, le fait de jurer par Allah. Donc, en vérité, il a une diminution fi at-tawhid, fi at-ta'zim min Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Qala l'imam Ahmed, son fils, il lui a posé la question à l'imam Ahmed, rahimahullah, il lui a dit kayfa an-niyya. Comment on fait niyya, l'intention? Il lui a dit quoi? Al-niyyatu fil qalb. L'intention est dans le cœur, tout simplement. C'est une innovation que de dire l'intention par la langue. Tu n'as rien à dire. Niyya, c'est ce que tu veux faire, tout simplement. Lakin mushkila. Mushkila عند الجهال ولا عند العلماء. Lorsqu'on fait le hajj ou l'umrah, on sait qu'on doit se mettre en état d'ihram. Et là, est-ce qu'on ne prononce pas l'intention? Labbaik Allahumma bi umrah ou bi hajj ou bi l'umrah ou l'hajj. Hein? Non. On est obligé là, quand on se met en état d'ihram, de prononcer Labbaik Allahumma bi l'umrah, mathalan. Me voici au Monseigneur pour une umrah ou bien pour un hajj ou bien pour une umrah et un hajj. Et c'est de ça que se servent les gens pour dire tu vois, tu es obligé de mettre une niya. Lakin qala ahlul ilm at-talbiya yani labayka Allahumma bi umrah fi an-nusuk ka takbirat al-ihram fi as-salah. Shouf al-ulama. Il n'y a pas de fitna ou shubuhat ou shahawat. Alhamdulillah. Sekina wa salama fil qalb. Ils disent quoi? Le fait de mentionner cette talbiya, Allahumma labayk Allahumma bil umrah ou bil hajj, c'est l'équivalent de takbiratul ihram fi salat. Le fait de dire quand on rentre fi salat, Allahu akbar. Le premier takbir, qui est parmi les piliers de la prière. Celui qui rentre directement en prière, il vient. Et il commence, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu batila. Certains vont dire, oui, mais il l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahabas, ils l'ont dit. Donc on le dit. Même si tu nous dis, c'est comme takbir al-ihram, ils l'ont dit, oui ou non? Oui, ils l'ont dit. Mais là, on a un texte, naf. Il y a un texte qui nous dit qu'à ce moment-là, ils l'ont dit. Mais est-ce qu'ils l'ont dit dans autre chose? Pour salat, pour siyam, pour zakat, pour la, autre chose? Là, ils ne l'ont pas dit. Taïb. Al-niyya. Maintenant que l'on sait c'est quoi une intention, comment aller ton intention? Qu'est-ce qu'elle va te permettre de différencier ton intention à toi? Il faudrait savoir qu'est-ce que tu dois avoir comme intention. Al-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Islah al-niyya yabda bit-tawhid. والتوحيد شجرة في القلب. La bonne intention, tu ne l'auras que si tawhid il est dans ton cœur. L'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as bien pris conscience dans ton cœur que seul Allah azza wa jal, wahdahu, seul, la sharika lah, sans lui associer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Quand tu auras bien compris ça, dans tout son ensemble, là tu vas avoir une bonne intention. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خوف وخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. Le prophète صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على الخلفاء الراشدين المهديين. Il a dit cette parole, ce que j'ai le plus peur pour vous, c'est que vous ayez la petite ostentation, la petite association. Ils lui ont dit c'est quoi? Ils lui ont dit, il leur a répondu c'est l'ostentation. On reviendra sur l'ostentation après, inshallah. At-tawhid, l'unicité d'Allah, c'est un arbre qui est dans ton cœur. C'est la base de ton arbre, les racines. Or un arbre, comme vous le savez, où il est bien enraciné dans le sol, et il peut y avoir tout ce que tu veux comme temps et comme intempérie, cet arbre-là, il ne bouge pas et il donne ses fruits. Ou bien cet arbre-là, il n'est pas bien enraciné dans le sol. Et au moindre coup de vent, qu'est-ce qu'il fait cet arbre? Il penche, voire même tomber. Il ne donnera aucun fruit. At-tawhid, c'est un arbre avec des branches bien enracinées dans le sol, fil qalb, dans le cœur. Et qui donne comme fruit quoi? Al-amal salih. Qui donne de bonnes actions. Al-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Qala Allah azza wa jal, fa'budillah mukhlisan. Adorez Allah sincèrement. Mukhlisan lawuddin. إلا لله الدين الخالص. Adore Allah sincèrement et à lui appartient la religion. Et est-ce que la religion n'est pas donnée à Allah d'une manière sincère, ne doit pas être donnée pour Allah d'une manière sincère? وقال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة إلى آخره. Et Allah Azza wa Jalla a dit aussi, selon le sens des versets, on ne leur a ordonné que d'adorer Allah d'une manière sincère, et à lui appartient la religion pure, yani at-tawhid, l'unicité. Wa islah an-niyya bi ma'rifati al-asma'i wa as-sifat bi ma'rifati Allah tabaraka wa ta'ala. Lakin ma'rifatu Allah tabaraka wa ta'ala bi kitabihi wa sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa bi ayatihi fil khalq وفي أسمائه وصفاته وبأحكامه وأفعاله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده من العلماء. Avoir une bonne intention ne se fait que par la connaissance d'Allah. Plus tu connais Allah, plus tu crains Allah, plus tu as peur de lui. plus tu espères en lui, plus tu l'aimes, plus tu cherches à lui plaire. C'est pour ça que le salaf, radiallahu anhu, me disait, si on fait des péchés, c'est parce qu'on est des ignorants. Non pas qu'on fait nos péchés par ignorance, mais qu'on est, si on connaît vraiment celui à qui on doit obéir, on ne ferait pas ces péchés-là. Si on savait la rahma qu'il a, tabaraka wa ta'ala, on ne commettrait pas ces péchés et on lui demanderait encore plus d'être miséricordieux envers nous. Si on connaissait son châtiment, comme Allah tabaraka wa ta'ala est dur en châtiment, on ne commettrait pas ces péchés, on demanderait encore plus pardon. Les péchés que nous faisons, al-ma'siyah, sabab al-ma'siyah, al-jahl, fi ma'rifatillahi tabaraka wa ta'ala. Wa islah al-niyah, fi l'ibadah, bi ma'rifatillahi azza wa jahl. Avoir une bonne intention, tu ne l'auras que si tu connais ton Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu as appris à le connaître dans son livre, dans la sunna de son prophète, alayhi salatu wa salam, en regardant les signes qu'Allah il a créés, la création d'Allah, comment elle est faite, d'une manière parfaite. Fi kulli ma khalaq Allah, hikmah. Dans tout ce qu'Allah a créé, il y a une sagesse. Tu ne vas pas tout comprendre. Et ça ne t'est pas demandé de tout comprendre. Si tu connaîtrais vraiment Allah dans ses noms, dans ses attributs, tu aurais une bonne intention lorsque tu veux faire quelque chose. قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله وأنساهم أنفسهم. وقال الشيخ عبد الملك حفظه الله في هذه الآية أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه. الله تبارك وتعالى dit selon le sens des versets, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Dans l'explication, Cheikh Abdel Nadir Khal, il a dit, celui qui a oublié son Seigneur s'est oublié lui-même, entièrement. Mais Allah tabaraka wa ta'ala n'oublie pas. Il est mentionné dans une ayah, wa yansa, yani taraka. Fi asma'illahi azza wa jal wa sifatihi, dans les attributs d'Allah, l'un des attributs c'est le fait qu'il ait oublié, Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'Allah azza wa jalla oublie? Non. Il les a oubliés ces gens-là, pourquoi? Parce qu'eux ont oublié Allah, alors il les abandonne. Tarakahum, min qawli shaykh al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Tarakahum, il les a oubliés, il les a abandonnés, bil ma'na. Anna al-ilm billahi tabaraka wa ta'ala aslu kulli ilm, wa afdalu al-ilm al-ilm billahi tabaraka wa ta'ala. حتى قال أحد من السلف واسمع الكلام خرج أهل الدنيا من الدنيا. La science d'Allah, la connaissance d'Allah est une base et la base de toutes les sciences. Et la base de toutes les sciences. Et la meilleure science c'est la science d'Allah, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ilm, ilmullahi tabaraka wa ta'ala. Fi asma'ihi wa sifatihi, fi rububiyatihi.